Je ferai pas du rap pour devenir la star. Trop de lascars sont instables. Y'a que la rage contre un store. Aucun stop quand ça se tape. J'ai le constat donc je m'installe. Tout le monde se demande c'est qui ce type. Et quand mon flow c'est qui ce vide. Le rap français fait grise mine. Dans le TK ou les petits speed. Personne sera épargné. Le facteur m'apporte que des factures. Je crois pas que la poste on est tous à gagner. Je passe mon temps à soigner mes fractures. Quand ça fracasse dur, ça fait 10 piges. Je vois mon sacré cœur frôler la fartus. Pas d'as, tu sais pas. T'as de fus quand les bâtards sus des gaz. Tu sais pas. Car sûr quand les tatins insultent. Parle pas, tu n'es pas. Balle sus dans les bars, ça se pute. J'ai pas le bac plus. Mais dans le peurage, je viens de faire un pas de plus. Un pas de plus comme n'importe quel gus. Un pas de plus, c'est pas rattraper le bus. J'ferai un pas de plus. Mais je veux pas vendre au plus. J'ferai un pas de plus, mais rien de plus. Moi je veux pas qu'on me suce. J'fais ça sans lapsus. Un pas de plus. Comme une trottinette côté à l'Argus. Un pas de plus. Avec un cactus dans l'anus. Ça picote bien plus qu'un pastis à la Nice. J'crois qu'ils aiment les sucettes. Moi j'dirais que c'est le rap game, ma pauvre Lucette. Tu peux pousser la chansonnette, voire même pousser tes chansonnettes. Tu porteras toujours l'étiquette sans pas de plus. Ça reste mieux que vendre la quête. J'lâche un glaire pour la gloire. Lève le majeur, coûte les majeurs. Ce que j'ai au fond du cœur voudrait sortir du fond de ma gorge. Pas démagogue. J'emmerde tous ceux qui disent que j'dors. Chaque soir où j'dis ce que j'pense, c'est malheureux. J'm'éloigne du disque d'or. J'lâche un glaire pour la gloire. Lève le majeur, coûte les majeurs. Ce que j'ai au fond du cœur voudrait sortir du fond de ma gorge. Pas démagogue. J'emmerde tous ceux qui disent que j'dors. Chaque soir où j'dis ce que j'pense, c'est malheureux. J'm'éloigne du disque d'or. J'avoue que j'ai pas souvent le moral. Mon cerveau pas de rat me craque. Le vie sans pas comme les 8-6. Je le sens grave comme un vil-si. J'avoue qu'ici c'est pas la gloire, mais j'préfère ça que de ressembler à ma gloire. Une évidence. C'est quand c'est qu'on dédanse, on ne fera pas d'eux des conquérants. J'ai pas besoin de vivre dans l'absolu, mais j'ai trouvé toutes mes solutions de plus en plus dans l'absolu. Tout un clair de plus de la part du marginal, bien plus profond que mes amygdales. Et si ma rage s'interpose, c'est que Marine en est la cause. Dans le rage m'immisce depuis subit, j'apprécie vite cet empire biblique. J'voulais prouver que dans le rage pète brillant sans porter de bling bling. Même sans argent, j'dépense tout. L'avenir du son dépend de nous. Avec mon crew, faut que j'laisse ma trace avant d'être dans le trou. J'fais pas des sons pour faire danser des pistes sur des pistes de danse. Non, donc remballe-moi tes bling bling et tes disques de trance. La gorge a séché avec une corde goût. Mais tu sais quoi, ma plus grande fierté c'est d'être encore debout. Que des connards qui se crachent et que des canards qui se fâchent. Pour les paparazzi, j'suis trop de spies avec les radars qui me flashent. J'comprends pas, j'ai du mal à le croire. KEMA, je lâche un texte rapidement et en même temps. J'lâche un glaire pour la gloire. Lève le majeur, coûte les majeurs. Ce que j'ai au fond du cœur voudrait sortir du fond de ma gorge. Pas démagogue. J'emmerde tous ceux qui disent que j'dors. Chaque soir où j'dis ce que j'pense, c'est malheureux. J'm'éloigne du disque d'or. J'lâche un glaire pour la gloire. Lève le majeur, coûte les majeurs. Ce que j'ai au fond du cœur voudrait sortir du fond de ma gorge. Pas démagogue. J'emmerde tous ceux qui disent que j'dors. Chaque soir où j'dis ce que j'pense, c'est malheureux. J'm'éloigne du disque d'or. J'lâche un glaire pour la gloire.